L'histoire, c'est pas comme dans le fiqh et tout ça, yani l'aqida, le tawhid, ou l'histoire, ça, il y a beaucoup de détails dedans. Il y a beaucoup de noms à retenir, surtout les noms. Donc, la dernière fois, on avait parlé des Mongols, les Tatars, qu'est-ce qu'ils ont fait en Irak, leur tuerie, leur massacre, leur bain de sang, leur rouleau compresseur, yani comment, à chaque fois qu'ils passent dans un endroit, c'est comme un rouleau compresseur. Ils laissent rien derrière eux. Ni être humain, ni animaux, ni bétail, ni rien. Ce qu'ils ont fait au monde musulman, Allah al-Musta'an, c'était quand ils ont fait tomber l'empire abbasside. Mais pour être dans l'ordre, Inch'Allah, on va revenir sur les Omeyyades. J'avais fait une introduction, Yannick, sur les Omeyyades et sur Muawiya surtout. Que c'était la première dynastie. On avait parlé des quatre califes, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, radiallahu anhu. Puis après, il y a eu Al-Hassan, pardon. Puis après, Muawiya. Donc, les noms, on va retenir ce soir trois noms. Trois ou quatre noms. Muawiya, Yazid, qui est le fils de Muawiya. Retenez bien ces noms. Ce qu'ils vont souvent évoquer pour savoir de qui on parle, le contexte et le comment. Muawiya, qui est le fils d'Abu Sofyan. Il a laissé un fils qui s'appelle Yazid. Puis on va mentionner Al-Hassan ou Al-Hussein. Al-Hassan, qui est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hussein, qui est aussi le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont des frères. Ce n'est pas des jumeaux, hein. Il y a une différence de un an, comme ils ont dit les historiens, entre le Hassan ou le Hussein. Il y a une différence de un an. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous connaissez le hadith, que le Hassan et le Hussein, ils étaient sur le dos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant la prière, et qu'ils jouaient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même, il allongeait, la prosternation, le messager, alayhi salatu wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il y avait son petit-fils, le Hassan ou le Hussein, sur son dos. Et une fois, il est descendu du mimbar, parce qu'il pleurait, il est descendu du mimbar, en faisant le khutbah, il faisait le khutbah tout le jumu'ah, parce qu'il y avait le Hassan ou le Hussein devant. Donc, le Hassan ou le Hussein, on va les mentionner, ce sont les petits-fils du prophète Hassan, les fils de Ali ibn Abi Talib. Et Ali ibn Abi Talib, il est marié avec la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait cet enfant, le Hassan ou le Hussein. Donc, Al-Hassan al-Hussein, leur grand-père, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Muawiya, Yazid, Al-Hassan ou Al-Hussein. Puis après, les ennemis de ces gens-là. Retenez bien le nom Ubaydallah ibn Ziyad, qui était le gouverneur de Koufa, d'Irak. Ubaydallah ibn Ziyad. Faut pas que je vais le mentionner souvent, c'est pas Yazid qui est le fils de Muawiya. Donc, ça, c'est une introduction concernant les noms qu'on va mentionner de ces hommes-là. Alhamdulillah et Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Donc on va parler de Muawiya ibn Abi Sufyan. Radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah azza wa jal l'agré. Muawiya, qui est le fils d'Abu Sofyan, c'était un sahabi, c'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son père, mes frères, comme vous connaissez tous, c'était Abu Sofyan, qui était l'ennemi, du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Et c'était même un adversaire qui était farouche. Comme il le cite, il était un adversaire farouche contre les musulmans. Et Muawiya, comme ils disent le Bukhari et d'autres, il s'est converti à l'islam avant la conquête de la Mecque, 2 ans à peu près. Et d'autres disent qu'il s'est converti à l'islam après la conquête de la Mecque. Il y a une divergence là-dessus. Mais Rajih, ce qui est connu et qui est plus authentique, c'est que Muawiya s'est converti en islam avant que le messager alayhi salatu wassalam prenne la Mecque. Mais il cachait son islam. Ma ala nabi islami, il cachait son islam. Il ne le mettait pas en public, il n'a pas mis en public. Puis quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, il a rendu en public son islam. dont Abu Sufyan, Naam, aussi, il est entré en islam, qui est son père. Et il devient le scribe, mes frères. Retenez bien ça. Le scribe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le scribe, c'est-à-dire quoi? Il écrivait le Coran, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dictait les versets et lui, il les écrivait. Et lui, il les écrivait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Muawiya, il est souvent critiqué dans l'histoire, surtout les chiites, ils le critiquent beaucoup. Ils disent comme quoi il a voulu prendre le pouvoir par la force, il mérite pas d'être gouverneur, et ainsi de suite, c'est un tyran, c'est ci, c'est ça. Il le salit, sur la bien, il le kafir même. Alors que nous, Muawiya, le prophète sallam l'a mis comme scribe. Donc si c'était pas quelqu'un digne de confiance, mes frères, par Allah, jamais le messager Ali sallallahu alayhi wa sallam l'aurait mis Katib al-Wahy, quelqu'un qui écrit le Coran, la parole d'Allah azzawajal. Il faut que c'est quelqu'un de confiance, mes frères. Thiqa. Il faut que c'est quelqu'un vraiment de confiance, parce qu'il va. Il va transmettre la parole d'Allah Azza wa Jalla qu'aujourd'hui on la lit jusqu'à aujourd'hui, qu'il n'y a pas une lettre qui a été touchée, ni un verset qui a été déformé ou autre. À part l'interprétation des versets comme certains égarés ont interprété le Coran mal. Mais walakin, l'écriture elle est restée comme telle. Donc ça c'est l'éloge. C'est parmi une thèse qu'il y a, d'un éloge à Muawiya, l'importance de ce compagnon. Il a pris la charge, le messager Ali sallam lui a fait confiance et il a été le scribe du prophète sallallahu alayhi wa. Et parmi ses mérites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait une invocation. Il lui a dit Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Le hadith il est rapporté par Tirmidhi et il a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi. Il dit Ali sallam, il lui a fait une invocation, il dit, Oh Allah, fais de Muawiyah, fais de lui un guide et une grande, un guide et une guidée pour les gens. Fais de lui un guide et une guidée pour les gens. Et on va en parler de ce dua dès qu'on arrive dans l'histoire de Muawiyah. Et dans un autre hadith, il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté par Ibn Hibban, il dit alayhi salatu wa sallam, Oh Allah, apprends à Muawiyah l'écriture, les chiffres et protège-le du châtiment de l'enfer. Et Muawiyah, mes frères Ibn Abi Sofyan, c'est l'un des premiers qui a fait les conquêtes par la mer. Il dit, alayhi salatu wa salam, comme dans le Bukhari, dans un hadith qui est authentique, Awwalu jaysh min ummati yaghzuna al-bahr faqad Aujibu, naam. Faqad Aujibu. La première armée, il dit, alayhi salatu wassalam, la première armée qui conquérira, qui va faire les conquêtes par la mer. Il y aura une armée qui va faire les conquêtes par la mer. Et par la mer, c'est-à-dire que dès qu'ils ont Muawiyah, sous l'empire de Muawiyah, il y avait Tariq ibn Ziyad, les Omeyyades, comme on dit, que eux, ils sont passés par le Maroc. Ils sont allés jusqu'au Maroc. Puis au Maroc, Uqba ibn Nafi', quand il allait jusqu'au bout, il y avait l'océan Atlantique. Il a dit, Subhanallah, si je pouvais aller plus loin, j'irai plus loin. Mais il n'y a que l'océan qui m'a stoppé. C'est-à-dire, il y a plus, on ne peut plus faire de conquête. C'est là qu'après Tariq ibn Ziyad, ils ont repris yani, la tête de l'armée et ils sont montés yani, vers l'Espagne. Ils sont montés vers l'Espagne. Ils ont conquis l'Espagne, l'Andalousie, c'était le Portugal aussi. Le Portugal, c'était musulman, mes frères. Hein. Le Portugal, c'était musulman. Enam. C'est pour ça même, c'est un pays où il y a beaucoup d'oranges. Il y a beaucoup des oranges. Ça vient du mot Burtuqal. Burtuqal, yani, qui est les oranges en arabe. El Burtuqal, ils disent comme ça, yani, le pays des oranges. Donc, Tariq ibn Ziyad ainsi que les Omeyyades, pour savoir leur mérite, mes frères, hein, ils sont allés jusqu'à la France. Ils ont dépassé les Pyrénées, ils sont montés, et ils sont allés jusqu'à Poitiers. Et dans les historiens, ils divergent. Ils divergent entre Poitiers et d'autres, ils disent Tours, les Anglo-Saxons. Les Anglo-Saxons, hein, donc ils disent la bataille de Tours. La ville qui s'appelle Tours. D'autres disent c'est entre Poitiers et Tours. Et d'autres disent c'est à Poitiers parce que entre Poitiers et Tours il y a beaucoup de forêts et les Oméades ils étaient beaucoup. Donc c'était difficile pour faire une bataille dans la forêt. C'est compliqué. C'est pas évident. Non. Donc et à l'époque c'était Charles Martin comme vous connaissez tous. Et, il appelle Charles le Marteau. C'est lui qui a stoppé l'invasion des musulmans. Et comme ils disent les historiens, si Qadarullah Azzawajal, Abd al-Rahman, qui était le gouverneur d'Andalousie et le chef de cette armée-là, qui allait jusqu'à Poitiers, ils auraient gagné la bataille. Ils auraient gagné la bataille. Le Coran, il serait lu dans Paris, actuellement, aujourd'hui. Les gens, ils enseignent le Coran dans les madrasas et autres. Voilà, Qadar Allah, ma chafa, Allah Azzawajal, il en a décidé ainsi. Donc, les frères, on revient à Muawiyah. On revient à Muawiyah. Donc, Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée, quand Othman était calife, il le nomme gouverneur de Syrie, Fisham. Et quand il était gouverneur de Syrie, il avait une grande armée avec lui, Muawiyah. Et on parle du bienfait de Muawiyah, il protégeait l'invasion de qui? Des ennemis de l'islam. Car c'était par là-bas qu'il venait. Surtout les Romains. Ils s'attendaient plus sur les croisés et tout ça. Ou les Romains surtout. Que eux, ils venaient de là-bas. Donc c'était comme un bouclier là-bas. Il a mis Muawiyah, il a mis une grande armée pour protéger les ennemis de l'islam, les protéger et aller de leur mal qu'ils vont faire aux musulmans. Donc Muawiyah, il avait ce souci-là de protéger les frontières, de protéger les musulmans. Et na'am, ibadallah. Et comme je vous l'ai dit, Muawiyah, il a fait des conquêtes aussi. Il a fait des conquêtes. La Tunisie aujourd'hui, le Maghreb, l'Égypte, c'était par Amr ibn al-As qui était le gouverneur d'Égypte. Et il y avait Uqba ibn Nafir, pareil aussi, que eux, ils ont fait le futuhat, les conquêtes. Ils sont commencés par l'Égypte. Après l'Égypte, ils sont allés au sud du Soudan, ou l'est du Soudan, pardon. Puis après, conquérir Efriqiya. La conquête de Efriqiya, à l'époque, la Tunisie, elle s'appelait Efriqiya, l'Afrique. Et quand l'imam Ahmed, rahmatullah, il entendait Efriqiya, c'était un pays qui était lointain, c'est quelqu'un qui vient de loin. Et certes, à l'époque, ils avaient les chameaux, les chevaux, c'était un voyage qui était vraiment pénible et très très long, mes frères. Déjà, quand on fait du cheval pendant 1 heure ou 2 heures dans le désert, on s'assoit, on n'en peut plus, on boit, attends que je me repose, il suffit qu'il a galopé 1 demi-heure, ça y est, on a mal au dos, on dort mal la nuit. Alors imagine que vous dire, eux, il y en a des jours et des jours, ils le passaient dans des moments difficiles, dans la neige, la tempête, le désert, des fois, c'était pas évident. Wallah, c'était pas évident. Donc, Muawiyah, yani, quand il était gouverneur en Syrie, donc les conquêtes du Maghreb, ils ont été faites, yani, sous son règne. Et Uqba ibn Nafir, qui est né à la Mecque, lui, à la base. C'est pas quelqu'un comme il croit, quelqu'un, c'est quelqu'un du Maghreb. Non, Uqba ibn Nafir, ils disent c'est un sahabi. D'autres disent non, c'est pas un sahabi. C'est yani, parmi les grands yani, personnes qui ont connu les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand il est né, yani, 1 an après le messager, alayhi salatu wa sallam, il est mort. Il avait 1 an. Donc, ils font la conquête d'Efriqiya. Plus d'une dizaine de fois, les frères. En Libye, c'était facile. Ils ont cash accepté l'islam. Ils ont direct accepté l'islam. Ils sont soumis et tout ça. Par contre, en Afrique, en Tunisie, là-bas, actuellement, plus d'une dizaine de fois, les frères. C'était pas évident de conquérir l'Afrique. Parce que c'était des berbères. Nous, les maghrébins et tout, à la base, on est des amazirs, les berbères. Et hatta dans le tarikh aussi, on avait trouvé ça dans des recherches et tout, j'avais vu que les berbères, à leur base, elle vient aussi des Arabes. Une kabila d'Ibrahim, une tribu de Ibrahim qui sont installés au Maghreb. Et c'est pour ça que les historiens, ils ont dit, les berbères, ils avaient une shaja'a. Ils étaient courageux, ils n'avaient pas peur. Et au combat, ils étaient sanguinaires. Ils étaient jaloux. Comme ils disent les historiens, c'est akhlaq al-arab. C'est parmi les comportements Les Arabes, déjà. Et les Berbères, ils n'avaient pas la même langue. Ils n'avaient pas la langue arabe, ils avaient une autre langue. Ils avaient du mal à comprendre les textes, ils avaient du mal à comprendre l'islam. Eux, pour eux, quand les musulmans ils venaient les conquérir, quand ils sont venus les conquérir, ils croyaient que c'était comme les Romains ou les Espagnols ou autres qui venaient, ils prenaient leurs terres, leurs femmes, ils les rendaient en esclaves, et ainsi de suite. Quand ils sont venus les musulmans, ils croyaient que c'était pareil aussi, qu'ils vont venir rendre leur famille esclaves, qu'ils vont les torturer, qu'ils vont les si, qu'ils vont prendre leurs femmes, ils vont les violer, tout ça. Donc ils hésitaient. Et dans ce qui est connu des Berbères, ils sont rentrés en islam et ils ont beaucoup aussi apostasié. Ils ont apostasié, naam. Ils ont apostasié. Pourquoi, mes frères? Parce que ils faisaient des conquêtes, les musulmans. Et ils se faisaient aucun souci de dire, tiens, on va mettre une mosquée, on va mettre des savants pour les éduquer, pour comprendre. Non, ils faisaient des conquêtes et après ils continuaient tout droit. Et ils allaient en Algérie, Maroc, et ils montaient. Ils se préoccupaient pas de la da'wa. Et c'est là que Ukba ibn Nafi', radiyallahu ta'ala anhu, ce grand personnage, qui a beaucoup de mosquées à son nom. En Algérie, il y en a je sais pas combien. À Inaj, à Ukba ibn Nafi', dans le sud de Ukba ibn Nafi', la mosquée, beaucoup de mosquées s'appellent Ukba ibn Nafi'. Donc il a décidé, ibn Ukba ibn Nafi', rahimahullah ta'ala, radiyallahu anhu, de s'installer dans la ville de Kirwan. Donc ils ont fait la conquête, ils ont gagné, mais il a dit, il faut pas les laisser, il faut leur apprendre. Il faut leur apprendre l'islam, il faut leur apprendre l'arabe, pour pas qu'ils apostasient. Sinon on leur apprend rien, c'est normal qu'ils vont apostasier. Donc Ukba ibn Nafi', il a eu une bonne décision. Il a eu la même décision même que le messager, alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à Médine. Quand il est arrivé à Médine, alayhi salatu wassalam, la première chose qu'il a fait, c'est une mosquée. Ukba ibn Nafi', la première chose qu'il a fait à Kairouan, à Qayraouen, c'est la mosquée. Il a construit cette mosquée à peu près, ils ont mis 5 ans, la ville de Qayraouen, une ville entière. Et cette ville-là, mes frères, elle était, quand les gens qui connaissent la région, elle est en plein centre de la Tunisie. Elle n'est pas au côté mer. Elle est entre l'Algérie et la capitale, Tunis. Ou entre l'Algérie, pardon, la frontière algérienne, et on peut dire c'est plus proche de Sousse et tout ça, yani, le Mahdi et tout, de la mer. Il dit, Ukba ibn Nafi', il a fait ça, pourquoi il n'a pas mis vers la mer, Qayrouan? Il a mis en plein milieu de la Tunisie, hein, il fait chaud là-bas en plus. Et en plus, il y avait, au Soud, il y avait beaucoup de bêtes sauvages. Parmi les bêtes sauvages, il y avait les lions surtout, les vipères, il y en avait beaucoup. C'était un endroit où il y avait beaucoup de forêts, même Hatta, un grand savant de l'époque d'Ibn Badis, rahimahullah ta'ala, un savant de Tizi Ouzou, qui de Kabylie en Algérie, il avait fait un livre concernant les lions qu'il y a dans le Maghreb. C'était un endroit où c'était connu pour les animaux sauvages et surtout les lions. Surtout les lions. D'ailleurs, la ville de Wahran. Il explique, lui, un grand savant, j'ai oublié le nom, j'ai oublié son nom, je ne l'ai pas noté. C'était à l'époque d'Ibn Badis, hein, il n'y a pas longtemps. Un grand savant de Tizi Ouzou, qui était Kabylie. Il a dit, la ville de Wahran, pourquoi on l'appelle Wahran? Ça vient de Wehra. Wehra, c'est-à-dire le lion. Wehra. Le lion, la lionne. C'est pour ça que quand vous rentrez à Wahran, en Algérie, là-bas, vous trouvez un grand lion. À l'époque, c'était connu. Donc, alhamdoulilah, bifadlillah, ils ont fait doua pour, quand les historiens racontent ça, ils ont fait doua pour qu'Allah Azzawajal les protège de ces bêtes sauvages. Parce que c'est invivable de vivre dans un endroit où il y a des lions, c'est difficile. Alors, tu sors ton enfant, les lions à la bête, c'est des grands, c'est pas des chats, yani. C'est des chats multipliés par 10. Donc, barakallahu fikoum, Ukba ibn Nafi', il a fait la ville de Qayraouen, il a pas mis le côté mer, pourquoi? Comme ça, quand il y a l'invasion des Romains ou des Byzantins, il se prépare à les combattre, il se prépare au djihad. Il a voulu que cette ville, ça soit la science qui se propage dans toute l'Afrique, et surtout, s'il y a une inv et préparer l'armée des musulmans pour combattre les Romains ou les Byzantins ou les Espagnols qui vont peut-être venir conquérir le pays. Donc c'est une stratégie qu'ils ont fait cela. Ils ont fait ça par une stratégie. Vu l'intelligence de cet homme-là, Ukba ابن نافع. Donc on revient à Mouawiya. Donc c'était juste une introduction pour voir comment l'islam est arrivé aujourd'hui au Maghreb et ainsi de suite. Il y a eu des hommes, ils ont coulé leur sang. Et Urqba ibn Nafi, il est resté 40 ans, mes frères, 40 ans, dans le djihad fi sabilillah, le combat fi sabilillah. Presque toute sa vie, mes frères. Et c'est lui qui est allé jusqu'en Atlantique. Il a conquis le sud de l'Algérie. Il est monté. La Kabylie et ainsi de suite. Le Maroc. Puis après, il a vu l'Atlantique, l'océan Atlantique. Il est arrivé, il n'y a plus de terre. Il a dit, si il y avait encore de la terre, je continuerais tout droit. Mais là, il n'y a plus rien. C'est là qu'après, il est revenu. Et il est mort au sud de l'Algérie. Naam, il a été tué par des Romains qui l'ont encerclé avec une autre tribu berbère qui a apostasie et qui sont alliés aux Romains. Je ne me rappelle plus son nom, il est connu. En Algérie, il est connu. Vous avez son nom, mais je ne l'ai pas noté. Un jour, quand je ferai la biographie de Urqba ibn Nafi, je me parlerai en détail de tout ça. Ala kulli hal, et il a été tué par les Romains, Naam, qui sont venus l'encercler. Et il a même fait une recommandation à ses enfants, une recommandation que je vais partir, je vais plus revenir. Il a dit à ses enfants à Kairouan, il a dit, je vais partir, je vais plus revenir. Accrochez-vous au livre d'Allah Azzawajal, à la science, et ainsi de suite. Il leur a fait une recommandation. Et lui, dans sa tête, il voulait plus revenir. Hadam Rijal, mes frères, c'est des hommes, ça. Wallahi, Ikhwani. Pour qu'aujourd'hui, on lit l'islam, on lit le Coran, on fait le ramadan, on fait les prières. Wallah, ils ont laissé leurs âmes, ils ont laissé leur sang, leur vie entière, ils l'ont vouée. Pourquoi? Pour propager cette religion. Subhanallah al-Azim. Donc c'est pour ça, mes frères, ilm al-Rijal, de connaître ces hommes-là, c'est important. Et on ouvre une parenthèse avant de terminer sur Muawiya. Le djihad qu'ils ont fait, mes frères, c'est pas le djihad de ceux-là, là. Les Khawarij, là, qui viennent, qui massacrent la population, des enfants, des femmes, qui tuent des innocents avec des attentats suicides. Là, là, là, là, ça, c'est pas, hada fasad, comme ils disent les ulama. Hada laïsa djihad. Hada djihad fi sa, hada fasad fi sabil shaitan. C'est le djihad dans le chantier du diable. Mais eux, ces hommes-là, ils combattaient les ennemis, les gens qui étaient là. Soit vous vous soumettez à nous, ou soit on vous combat par la force, ou soit vous payez un impôt, et on vous tue pas. Ni on tue vos femmes, ni vos églises, ni vos enfants, ni rien, vous êtes protégés. C'est ça l'islam. C'est ça qu'ils propageaient à l'époque. Mais, ça, mes frères, les occidentaux, wallah, ils vous parleront jamais de l'islam, des grands hommes de l'islam de cette manière-là. Ils vont vous ramener que les défauts, ou les conflits qu'il y a eu à l'époque des sahabes et autres, pour dire, regardez, votre religion, c'est quoi? Regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Regardez comment ils prenaient les pots de vin. Regardez comme ils s'alliaient aux Romains, ils s'alliaient aux Byzantins. Il y a eu des choses comme ça. Comme dans la gouvernance, dans les Omeyyades, il y a eu des bons et des mauvais. Mais le bon qu'ils ont fait, mes frères, le fait qu'ils ont propagé l'islam jusqu'à Poitiers, avec l'Empire Omeyyade, on voit le bien qu'il y a dans ces gens-là, le bien qu'il y a dans cette daoula, dans cet état-là, qui se préoccupait des musulmans, qui se préoccupait que les gens sortent des ténèbres vers la lumière. En Afrique, mes frères, on adorait quoi, mes frères, nos ancêtres, hein, donc? Ils adoraient le feu, mes frères. Au Maroc, ils adoraient le feu, en Tunisie, pareil. Et c'était un feu perse qu'ils adoraient même. Et hatta même un dialecte tunisien, quand quelqu'un il s'énerve, je sais pas, en Algérie, au Maroc, ils l'ont, mais en Tunisie, ça c'est sûr, quand quelqu'un il commence à s'énerver, il dit Yanari, Yanari. Ya Nari. Ya. Sinon, on dit Ya Allah. Aide-moi. Ya Allah, aide-moi. Eux, quand ils ont un problème, Ya Nari. Nari, oh mon feu. Nari, c'est-à-dire, oh mon feu, oh mon. Ils invoquaient le feu. Jusqu'à cette expression-là, mes frères, elle est jusqu'à aujourd'hui, hein. Mais ils savent pas pourquoi ils la disent. Ils le disent pas, hein, parce qu'ils adorent le feu. Mais cette expression, elle est restée là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils adoraient le feu, ils s'adonnaient à l'alcool, c'était des... Fallait voir comment ils vivaient à l'époque. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Les morts, ils mangeaient la chair morte des animaux, ils étaient sales, et ainsi de suite. Aucune adoration. Allah Azzawajal akram un nabi hada. Allah nous a honoré, mes frères, par la cause de ces hommes-là, qui méritent qu'on les écrit dans des murs, qu'on les écrit dans des feuillets, qu'on l'expose en public. Regardez ce qu'ils ont fait, ces hommes-là. Donc ça, c'était sous l'Empire, il y a des Omeyyades. Sur ça, c'est bien de connaître. Les Omeyyades, les Abbasides, et puis les Ottomans à la fin. 28 minutes. Qu'est-ce qu'on fait, les frères? On termine demain, Inch'Allah? J'ai fait juste une petite introduction, yani, sur les conquêtes. Avec Kousaïla, Ahsan Tari. Kousaïla, c'est le nom, yani, la personne qui s'est alliée aux Byzantins, aux Romains, pour tuer Uqba ibn Nafi'. Donc, il est rentré en islam et il est sorti de l'islam, encore une fois, lui. Il est rentré et il est sorti. Aïna. Sur ça, ouais, non, il y a une grande histoire sur lui, en tout cas, Ibn Barakallahu Karim. La grande mosquée de Qayrawan, Naam, en Tunisie, qui s'appelle Uqba ibn Nafi'. Elle est connue. Tu tapes mosquée Uqba ibn Nafi'. Et d'ailleurs, c'est pas un lieu de pèlerinage, comme ils prétendent les Jouhels, qu'il faut aller là-bas, c'est un pèlerinage, c'est comme si tu allais à la Mecque. Là, c'est une mosquée parmi une mosquée. Si tu passes vers là-bas, c'est bien d'y aller. Tu fais Dhuhr, tu fais l'Asr, ou ainsi de suite. Mais actuellement, Allah al-Musta'an, c'est pas comme on voit aujourd'hui, c'est pas comme on a vu à l'époque, hein. Les gens, ils font de la bid'a maintenant, Allah al-Musta'an. Ils lisent le Coran en groupe, ils font des choses bizarres. Il y a pas la sunna comme avant. Il y a beaucoup de savants qui sont sortis de cela. Donc, je continue, j'ai fait que l'intro. Taïb Yassid. Donc, on continue, les frères, avec. Je fais pas beaucoup, Akh Karim, il faut de la salive, et de la concentration surtout dans les mots et tout. Donc on revient à Uqba, à Ousmou Muawiyah. Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah azza wa jalla l'agré. Donc il était gouverneur et c'est Othman ibn Affan qui est le troisième calife de l'islam du Shem, gouverneur de la Syrie. Et Othman radiyallahu ta'ala anhu, il a été assassiné par les Khawarij à Médine. Et ils sont venus d'Irak. Ils sont venus d'Irak jusqu'à Médine. Eh non. Ils sont venus d'Irak jusqu'à Médine pour assassiner Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Et Ali était en Irak quand Uthman a été assassiné. Regardez ça. Ali était en Irak quand Uthman il a été assassiné. Retenez bien ça parce que on va mentionner un point essentiel dans ça. Ali il est en Irak et Uthman il a été assassiné à Médine. Il a été assassiné par qui? Par les Khawarij. Naam, ils ont encerclé sa maison et il n'a même pas voulu les combattre. Il a dit, laissez-les, je veux pas que le sang des musulmans coule. Il a préféré mourir, fi sabilillah, en tant que martyr, radiyallahu ta'ala, anhu par hadhum al-Khawarij. Donc, après, quand il est mort, Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, il a été assassiné. Enfin, en bref, pour pas parler trop de Uthman, pour accélérer, pour aller plus loin, ils ont décidé de nommer Ali, radiyallahu ta'ala anhu, comme calife. Et il est devenu le quatrième calife, qu'Allah azawajal l'agré. Et on lui fait, yani, le pacte d'allégeance, al-bay'a, le pacte d'allégeance, c'est-à-dire, on fait un pacte d'obéissance, c'est-à-dire, tel gouverneur, on va t'obéir en sa'ikhlas. Le pacte d'allégeance, avec le cœur et avec la langue. Donc Ali, qu'Allah Azzawajal l'agré. Et on ne dit pas, yani, on ouvre une parenthèse, on ne dit pas Ali karramallah wajha. On ne dit pas, c'est comme disent certains imams et d'autres, Ali karramallah wajha. Yani, Allah a purifié, a honoré son visage. A honoré à son visage. Purifié son visage. Karramallah wajha. Ça, ils disent les savants, c'est Adi Mindesa et c'est Shia. C'est les chiites, ils disent souvent cela. Pourquoi on ne dit pas Abu Bakr aussi, karramallah wajha? Ou Omar, karramallah, ou Uthman, karramallah. Non. Ils disent que Ali, karramallah. Pourquoi non? On dit tout le monde, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah azzawajal les agré. Allah les a cités comme ça dans le Coran. Radiyallahu anhum wa radu an. Qu'Allah les agré, ils agré. Donc, on ne dit pas, ils disent, pourquoi on dit ça? Parce qu'il s'est jamais prosterné devant une statue. C'est pour ça qu'on dit qu'Allah resplendit son visage ou yani honore son visage. On dit quoi? Hatta Abu Bakr radiallahu anhu, il s'est jamais prosterné devant une statue. Donc Allah l'agré, on dit. Donc Muawiyah, il était au Shem, en Syrie, toujours gouverneur. Ali, il est devenu calife. Et quand on dit gouverneur et calife, c'est-à-dire comme président et le maire, admettons. Président et le maire. Pour avoir une image, les frères. Parce qu'il y en a qui disent, pourquoi gouverneur et calife? C'est pas là. Le calife, c'est celui qui règne sur tout l'empire. C'est-à-dire, s'il donne un ordre à Médine ou en Irak, tous qui sont jusqu'en Andalousie doivent l'obéir. Tous les gouverneurs. Les gouverneurs qui sont dans les contrées, ils se soumettent à Ali, radiyallahu ta'ala, qui est le grand calife, et lui font bay'a. Donc, au Chem, en Syrie, il y avait Muawiya, qu'Allah azzawajal l'agrée. Et on lui demande de faire le pacte d'allégeance à Ali. De faire le bay'a à Ali. Et soyez attentifs, c'est là qu'il va y avoir la divergence. Et cette divergence, elle va jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des sectes, il y a eu des égarements, il y a eu des a'oudhou billah, toutes sortes d'égarements face à cette divergence entre Ali et Muawiya. Entre Ali et Muawiya. Donc Muawiya a refusé de faire le bay'a. Il a refusé. Ça ne veut pas dire qu'il est sorti contre Ali, parce qu'il n'a pas fait le bay'a déjà, il n'est pas sorti contre lui. Et avant de terminer, la dernière fois j'avais fait un cours, rappelez-vous bien, je l'ai enlevé même de l'enregistrement, le frère Karim nous a enlevé, barakallahu fik, que j'avais dit que Muawiya il a pris les armes par la force. Non, ça c'est faux, c'est une erreur. Ça c'est, j'ai eu une information qui a été mal interprétée. Au contraire, Muawiya on lui a fait le pacte d'allégeance, on parlera de ça après. Donc Muawiya il n'a pas voulu faire la bay'a à Ali qui était le grand calife. Il refuse. Pourquoi mes frères il a refusé? Pourquoi il a refusé? Les chiites ils disent il a refusé parce qu'il voulait le pouvoir. Il voulait s'emparer du pouvoir. Il voulait le pouvoir par la force. C'était quelqu'un, il était assoiffé du pouvoir. Même certains égarés ils parlent comme ça de Muawiya. C'était quelqu'un qui était assoiffé du pouvoir. Il fait tout pour le pouvoir. Nous on dit non. Par Allah jamais il a été assoiffé par. Il a jamais voulu même le pouvoir, et on va citer les hommes de science qui ont cité ça. Donc il a jamais voulu le pouvoir. Mais il a dit, si tu veux Ali, je te fais bay'a, trouve-moi les assassins de Uthman qui sont cousins. Muawiya, c'est le cousin de Uthman ibn Affan. Donc, quand tu vois dans la chose, quand même, il y a quelque chose de juste. C'est pas Ali comme ça, il a dit, moi je veux pas te faire bay'a pour comme ça, je prends le pouvoir de force. Non, il a dit, Ali, trouve les assassins de mon cousin, exécute-les ou condamne-les, juge-les, et je te fais bay'a. Je te fais le pacte d'allégeance. Et Ali lui a dit, pour l'instant, je peux pas. C'était le fauna, mes frères, c'était le désordre. Il y avait la mort de Othman, et que même Ali, il a pas voulu être calife parce qu'il a été touché par la mort de l'assassinat de Uthman ibn Affan. Il a été touché, il a été sensible. Il était pas bien, radiyallahu ta'ala, dans son fort intérieur. Donc, on lui a dit de trouver des assassins, et ils étaient, en plus, les assassins, ils étaient où, mes frères? Ils étaient en Irak. À Koufa. Ils étaient autour de lui, subhanallah. Ils étaient pas loin de lui. C'était même ses partisans. Les gens qu'ils ont utilisé à Ali, après, ils vont le tuer, wala'udhu billah. Ils sont avec lui, avec leur langue. Mais ils sont contre lui dans leur cœur, subhanallah, ces gens-là, le Khawarij. Ils étaient autour de Ali. Muawiya, il a demandé ça. Il a demandé, trouve-moi les assassins et je te fais le bay'a. Ali lui dit, je peux pas. Viens, on s'unit d'abord. Et que les musulmans s'unissent. Après, on trouve les assassins et on les condamne et on les exécute. Muawiya qui envoie une lettre encore à Ali. Il lui dit, écoute, si tu peux pas les combattre, vu qu'il avait une grande armée, comme je vous ai dit, Muawiya avait une grande armée en Syrie, il a dit, j'envoie mon armée et je viens et je les combats de moi-même. Et j'extermine tout ce qu'ils ont tué, ils ont été associés à la mort de Uthman, radiyallahu ta'ala, anhu. Vous suivez les frères, vous m'exprimez bien ou je sais pas, j'ai du mal à m'exprimer, voilà. C'est incompréhensible, vous suivez ou pas les frères, barakallahu fik. En d'autres termes, Yann. Donc, voilà le petit désaccord qu'il y a eu entre Ali et Muawiya. Voilà le petit désaccord qu'il y a eu entre Ali et Muawiya. Donc, on arrête là, Akhil. On s'arrête là, les frères, Inch'Allah, je termine demain. Demain, Inch'Allah, sans faute, les frères. Demain, après-demain, au moins que ça finisse avant le confinement, on essaie de faire le maximum. 40 minutes, Akhil. C'est pas évident. Donc on termine demain, Inch'Allah, à 22h. Demain, Bi'idhnillah, on termine à 22h. Concernant Ali, Muawiya, et ce qui va se passer par la suite. Parce que ce qui va se passer par la suite, c'est important. Et on va avancer un peu, yani avec Al-Hassan, Al-Hussein, la mort de Al-Hussein. Et après, on avance les Omeyyades, Osmouhad, les Abbasides, et ainsi de suite, les Ottomans, si on peut. Les Ottomans, si on peut, Bi'idhnillah, Azza wa Jalla, parce que les frères, ça demande beaucoup de recherches. Vous allez voir, demain, on va citer beaucoup de références, beaucoup de paroles de grands savants, d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn Hajar. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, il y a beaucoup de, il y a du vrai, il y a beaucoup de faux aussi. Il y a des choses qui ont été inventées, des choses qui ont été rajoutées. Et donc, il fallait faire le tri. Et Ibn Hajar al-Asqalani, dans Fath al-Bari, qui a réuni toutes les histoires, mais lui, il a dit, moi, j'ai tout réuni, mais à vous de décortiquer le vrai du faux. C'est-à-dire les générations, les savants qui vont venir décortiquer le vrai du faux. Subhanakallah bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم